Chapitre 3e. Lorsque les sénateurs se furent retirés, la signora Dorothée, malgré les prières et les importunités de son filleul, ne voulut jamais s'expliquer davantage. Elle était fâchée qu'un premier mouvement de gaieté lui eût fait avouer qu'elle savait le secret d'une aventure dont elle ne voulait pas se mêler. Comme Pipo insistait toujours, « Mon cher enfant, lui dit-elle, tout ce que je puis te dire, c'est qu'il est vrai qu'en t'apprenant le nom de la personne qui a brodé pour toi cette bourse, je te rendrai peut-être un bon service, car cette personne est assurément une des plus belles de Venise. Que cela te suffise donc. Malgré mon envie de t'obliger, il faut que je me taise. Je ne trahirai pas un secret que je possède seul, et que je ne pourrais te dire que si l'on m'en charge, car je le ferai alors honorablement. Honorablement, ma chère marraine? Mais pouvez-vous croire qu'en me confiant à moi seul, je m'entends ? » répliqua la vieille dame. Et comme, malgré sa dignité, elle ne pouvait se passer d'un peu de malice, « Puisque tu fais quelquefois des vers, ajouta-t-elle, que ne fais-tu un sonnet là-dessus ? » Voyant qu'il ne pouvait rien obtenir, Pipo mit fin à ses instances. Mais sa curiosité, comme on peut penser, était d'une vivacité extrême. Il resta à dîner chez l'avogador Pascaligo, ne pouvant se résoudre à quitter sa marraine, espérant que sa belle inconnue viendrait peut-être faire visite le soir. Mais il ne vit que des sénateurs, des magistrats et les plus graves robes de la République. Au coucher du soleil, le jeune homme se sépara de la compagnie et elle alla s'asseoir dans un petit bosquet. Il réfléchit à ce qu'il avait à faire et il se détermina à deux choses, obtenir de la Bianchina qu'elle lui rendit sa bourse et suivre en second lieu le conseil que la signora Dorothée lui avait donné en riant, c'est-à-dire faire un sonnet sur son aventure. Il résolut en outre de donner ce sonnet quand il serait fait à sa marraine, qui ne manquerait sans doute pas de le montrer à la belle inconnue. Sans vouloir tarder davantage, il mit sur le champ son double projet à exécution. Après avoir ajusté son pourpoint et posé avec soin sa toque sur son oreille, il se regarda d'abord dans une glace pour voir s'il avait bonne mine, car sa première pensée avait été de séduire de nouveau la Bianchina par de feintes protestations d'amour, et de la persuader par la douceur. Mais il renonça bientôt à ce projet, réfléchissant qu'ainsi il ne ferait que ranimer la passion de cette femme et se préparer de nouvelles importunités. Il prit le parti opposé. Il courut chez elle en toute hâte, comme s'il eût été furieux. Il se prépara à lui jouer une scène désespérée, et à l'épouvanter si bien qu'elle se tint dorénavant en repos. Mona Bianchina était une de ces vénitiennes blondes aux yeux noirs, dont le ressentiment a, de tout temps, été regardé comme dangereux. Depuis qu'il l'avait tant maltraitée, Pipo n'avait reçu d'elle aucun message. Elle préparait sans doute en silence la vengeance qu'elle avait annoncée. Il était donc nécessaire de frapper un coup décisif, sous peine d'augmenter le mal. Elle se disposait à sortir quand le jeune homme arriva chez elle. Il l'arrêta dans l'escalier et la forçant à rentrer dans sa chambre. « Malheureuse femme, s'écria-t-il, qu'avez-vous fait? Vous avez détruit toutes mes espérances et votre vengeance est accomplie. »« Mon Dieu, que vous est-il arrivé ?» demanda la Bianchina stupéfaite. « Vous le demandez? Où est cette bourse que vous m'avez dit venir de vous? Oserez-vous encore me soutenir ce mensonge? Qu'importe si j'ai menti ou non, je ne sais ce que cette bourse est devenue. » « Tu vas mourir ou me la rendre ?» s'écria Pipo en se jetant sur elle. Et sans respect pour une robe neuve dont la pauvre femme venait de se parer, il écarta violemment le voile qui couvrait sa poitrine et lui posa son poignard sur le cœur. La Bianchina se crut morte et commença à appeler au secours. Mais Pipo lui bâillonna la bouche avec son mouchoir et sans qu'elle pût pousser un cri, il la força d'abord de lui rendre la bourse qu'elle avait heureusement conservée. « Tu as fait le malheur d'une puissante famille, » lui dit-il ensuite. « Tu as jamais troublé l'existence d'une des plus illustres maisons de Venise. Tremble, cette maison redoutable veille sur toi. Ni toi, ni ton mari, vous ne ferez un seul pas maintenant sans qu'on ait l'œil sur vous. Les seigneurs de la nuit ont inscrit ton nom sur leurs livres. Pense aux caves du palais ducal, au premier mot que tu diras pour révéler le secret terrible que ta malice t'a fait deviner, ta famille entière disparaîtra. » Il sortit sur ces paroles et tout le monde sait qu'à Venise, on n'en pouvait prononcer de plus effrayantes. Les impitoyables et secrets arrêts de la Corte Maggiore répandaient une terreur si grande que ceux qui se croyaient seulement soupçonnés se regardaient d'avance comme morts. Ce fut justement ce qui arriva au mari de la Bianchina, Ser Orio, à qui elle raconta, à peu de choses près, la menace que Pippo venait de lui faire. Il est vrai qu'elle en ignorait les motifs, et en effet, Pippo les ignorait lui-même, puisque toute cette affaire n'était qu'une fable. Mais Ser Orio jugea prudemment qu'il n'était pas nécessaire de savoir par quel motif on s'était attiré la colère de la Cour suprême, et que le plus important était de s'y soustraire. Il n'était pas né à Venise. Ses parents habitaient la terre ferme. Il s'embarqua avec sa femme le jour suivant, et l'on n'entendit plus parler d'eux. Ce fut ainsi que Pippo trouva moyen de se débarrasser de la Bianchina et de lui rendre avec usure le mauvais tour qu'elle lui avait joué. Elle crut toute sa vie qu'un secret d'État était réellement attaché à la bourse qu'elle avait voulu dérober. Et comme dans ce bizarre événement tout était mystère pour elle, elle ne put jamais former que des conjectures. Les parents de Ser Orio en firent le sujet de leurs entretiens particuliers. À force de suppositions, ils finirent par créer une fable plausible. Une grande dame, disaient-ils, s'était éprise du Tizianello, c'est-à-dire du fils du Titien, lequel était amoureux de Mona Bianchina, et perdait bien entendu ses peines auprès d'elle. Or, cette grande dame, qui avait brodé elle-même une bourse pour le Tizianello, n'était autre que la Dogeresse en personne. Qu'on juge de sa colère en apprenant que le Tizianello avait fait le sacrifice de ce don d'amour à la Bianchina. Telle était la chronique de famille qu'on se répétait à voix basse à Padoue dans la petite maison de Ser Orio. Satisfait du succès de sa première entreprise, notre héros songea à tenter la seconde. Il s'agissait de faire un sonnet pour sa belle inconnue. Comme l'étrange comédie qu'il avait jouée l'avait ému malgré lui, il commença par écrire rapidement quelques vers où respirait une certaine verve. L'espérance, l'amour, le mystère, toutes les expressions passionnées ordinaires aux poètes, se présentaient en foule à son esprit. Mais, pensa-t-il, ma marraine m'a dit que j'avais affaire à l'une des plus nobles et des plus belles dames de Venise. Il me faut donc garder un ton convenable et l'aborder avec plus de respect. Il effaça ce qu'il avait écrit et, passant d'un extrême à l'autre, il rassembla quelques rimes sonores auxquelles il s'efforça d'adapter, non sans peine, des pensées semblables à sa dame, c'est-à-dire les plus belles et les plus nobles qu'il put trouver. À l'espérance trop hardie, il substitua le doute craintif. Au lieu de mystère et d'amour, il parla de respect et de reconnaissance. Ne pouvant célébrer les attraits d'une femme qu'il n'avait jamais vue, il se servit le plus délicatement possible de quelques termes vagues qui pouvaient s'appliquer à tous les visages. Bref, après 2 heures de réflexion et de travail, il avait fait 12 vers passables, fort harmonieux et très insignifiants. Il les mit au net sur une belle feuille de parchemin et dessina sur les marges des oiseaux et des fleurs qu'il coloria soigneusement. Mais dès que son ouvrage fut achevé, il n'eut pas plutôt relu ses vers qu'il les jeta par la fenêtre dans le canal qui passait près de sa maison. « Que fais-je donc ? » se demanda-t-il. « À quoi bon poursuivre cette aventure si ma conscience ne parle pas ?» Il prit sa mandoline et se promena de long en large dans sa chambre en chantant et en s'accompagnant sur un vieil air composé pour un sonnet de Pétrarque. Au bout d'un quart d'heure, il s'arrêta, son cœur battait. Il ne songeait plus ni aux convenances, ni à l'effet qu'il pourrait produire. La bourse qu'il avait arrachée à la Bianchina et qu'il venait de rapporter comme une conquête était sur sa table. Il la regarda. « La femme qui a fait cela pour moi, se dit-il, doit m'aimer et savoir aimer. Un pari travaillé est long et difficile. Ses fils légers, ses vives couleurs, demandent du temps. Et en travaillant, elle pensait à moi. Dans le peu de mots qui accompagnent cette bourse, il y avait un conseil d'amis, et pas une parole équivoque. Ceci est un cartel amoureux envoyé par une femme de cœur. N'eût-elle pensé à moi qu'un jour, il faut bravement relever le gant. » Il se remit à l'œuvre, et en reprenant sa plume, il était plus agité par la crainte et par l'espérance que lorsqu'il avait joué les plus fortes sommes sur un coup de dé. Sans réfléchir et sans s'arrêter, il écrivit à la hâte un sonnet dont voici à peu près la traduction. « Lorsque j'ai lu Pétrarque étant encore enfant, j'ai souhaité d'avoir quelque gloire en partage. Il aimait en poète et chantait en amant. De la langue des dieux, lui seul sut faire usage. Lui seul eut le secret de saisir au passage les battements du cœur qui durent un moment. Et riche d'un sourire, il en gravait l'image du bout d'un stylet d'or sur un pur diamant. Ô vous qui m'adressez une parole amie, qui l'écriviez hier et l'oublierez demain, souvenez-vous de moi qui vous en remercie. J'ai le cœur de Pétrarque et n'ai pas son génie. Je ne puis ici-bas que donner en chemin ma main à qui m'appelle, à qui m'aime ma vie. Pipo se rendit le lendemain chez la signora Dorothée. Dès qu'il se trouva seul avec elle, il posa son sonnet sur les genoux de l'illustre dame en lui disant « Voici pour votre ami ». La signora se montra d'abord surprise, puis elle lut les vers et jura qu'elle ne se chargerait jamais de les montrer à personne. Mais Pipo n'en fit que rire, et comme il était persuadé du contraire, il la quitta en l'assurant qu'il n'avait là-dessus aucune inquiétude.